mais j'ai besoin de toi. Une éclosure qui comptait. Ma chérie, viens, viens me voir. J'attends de glisser dans tes bras. Mais t'es trop loin, loin de moi. La distance nous empoisonne. On veut se voir mais l'occasion n'est pas la bonne. La distance nous empoisonne. Bébé, reste enfant, faut pas qu'on s'abandonne. Ma chérie,